Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Parler d'opérette sans évoquer, et donc sans entendre, Paulette et Marcel, le couple alors le plus célèbre de la scène française, impossible. D'autant que la série de Jacques Rouchouze, diffusée l'été 1986 sur France Culture, avait effectué un long séjour à Bordeaux. L'opérette, c'est la fête, par Jacques Rouchouze. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. Dernier jour de notre séjour à Bordeaux, Bordeaux que nous allons quitter à regret, mais en feu d'artifice, avec ceux de ses enfants qui ont certainement et continuent fait le plus pour populariser l'opérette, Paulette Merval et Marcel Merquès. Ce soir, mon amour, c'est pour toi que je chante. Ce soir, pour toujours, je t'apporte mon cœur. Dis-moi sans détour de ta voix qui m'enchante. Dis-moi, mon amour, que tu veux mon bonheur. Le jour s'est enfui, l'amour me conduit, je viens te chercher dans la nuit. Sous le grand ciel noir, voudras-tu, chère amante, voudras-tu ce soir exaucer mon espoir? Oh, ma reine, ma petite fleur, vois ma peine, règne sur mon cœur. Ce soir, mon amour, c'est pour toi que je chante. Ce soir, pour toujours, je t'apporte mon cœur. Dis-moi sans détour de ta voix qui m'enchante. Dis-moi, mon amour, c'est là mon seul espoir. Marcel Merquès, vous formez avec Paulette Merval un couple de légende, presque mythique dans le monde de l'opérette, mais je voudrais quand même que vous nous racontiez comment ce couple s'est formé. Qui a eu l'idée au début? Parce qu'on a l'impression que vous êtes là depuis toujours et pour toujours, mais il y a eu un départ. Eh bien, pour toujours, je voudrais bien d'abord, mais vous savez, il y a eu bien sûr un départ. J'étais au Conservatoire de Bordeaux, bien sûr, où j'ai fait mes études, et un jour, j'ai rencontré une jeune élève du Conservatoire qui était en classe d'audition, et cette petite chanteuse s'appelait Paulette Riffaut. Elle avait pour sœur une nommée Rolande Riffaut. Et j'avais un bon ami à moi qui s'appelait Gérard Boirot. Et voyez-vous, comme dans toutes les légendes, eh bien, c'est-à-dire que Gérard Boirot, Marcel Merquès ont épousé les petites Riffaut. Voilà. C'est un sujet d'opérette déjà. C'est tout à fait un sujet d'ailleurs. Il y a les petites Michu, mais il y aura peut-être un jour les petites Riffaut. Mais vous savez ce qu'il y a pour revenir sérieusement. Eh bien, pour vous dire plus exactement, avec Paulette, bien sûr, elle a changé de nom. Et un jour, comme nous venions de nous marier, eh bien, nous avons décidé de changer Merquès, Mervaux, Mervy, Merval. Et Merval sonnait très bien. Et maintenant, ce qu'il y a de très drôle, c'est qu'on arrive à m'appeler Monsieur Merval. Alors ça me fait rire parce que c'est moi qui l'ai baptisé Merval. Voilà, notre rencontre s'est donc passée au conservatoire. Et moi, j'étais vedette locale, si je puis dire, parce que j'avais déjà débuté. Et je chantais dans ce merveilleux grand théâtre, d'ailleurs, où nous sommes actuellement. Il est beau. Il est beau, hein. C'est un des plus beaux, vous savez, dans ma carrière, si carrière il y a, qui est déjà très longue, j'ai chanté dans les plus beaux théâtres, je crois, de France et de Navarre. Mais ce n'est pas parce que je suis bordelais à 100% que chaque fois je dis quand même à côté du Grand Théâtre de Bordeaux. Et ouais. Celui qui a la chance de le diriger, j'avoue que c'est une joie, surtout quand c'est tenu par un grand directeur et un grand metteur en scène. Voyons, puisque la destinée nous rapproche gentiment, doit-elle être par nous gênée, il faut lui céder gaiement. Je suis amoureux et vous belle, laissons donc parler notre cœur. L'amour dans un battement d'aile nous appelle vers le bonheur. L'amour dans un battement d'aile nous appelle vers le bonheur. Mon bel officier, trop joli parleur, avant de prendre soudain enjôleur, je ne vais pas vous donner mon cœur, de souffrir bientôt, j'aurai trop de peur, car je ne suis pas de celle dont vous faites vos jouets. Si votre amour décède, le mien n'en aura jamais. Ah, coquette, mon cœur guette ce que m'ont promis tes grands yeux. Je redoute, mais je écoute ces hommes d'initiés. La première fois que vous avez chanté ensemble, c'était à Mogador, une reprise de Rêve de Valse. Exact, exact. Nous avons débuté notre premier contrat, d'ailleurs, par Henri Varnas, c'était Rêve de Valse. Et nous avons joué ça pendant un an. À ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer Vincent Scotto, qui est venu me voir dans ma loge, bien sûr, comme font tous les compositeurs, après un spectacle, quand quelque chose les intéresse. Et Vincent Scotto, qui était l'oreille populaire de l'époque, l'homme aux 4000 chansons, on l'appelait, celui qui avait fait courir toutes ces opérettes marseillaises dans le monde entier, eh bien, son rêve s'est réalisé, et le mien aussi, parce qu'il voulait créer une grande opérette, c'est-à-dire ces formes de grands spectacles d'après 1950, comme faisaient Lehmann et Varna. Et Scotto a composé donc ces violettes impériales que j'ai créées et que j'ai interprétées plus de 2000 ou 2500 fois. Mais alors là, tout seul. Oui, la première, la création, c'est-à-dire que vous savez, dans la vie, il y a des événements qui arrivent et il s'est trouvé que Paulette s'est trouvée en ce moment-là à attendre un enfant et elle n'a pas pu faire la création avec moi. Mais c'est elle qui l'a créée et jouée dans toutes les villes, aussi bien en Belgique qu'en Suisse et dans toutes les grandes villes de France, c'est elle qui l'a créée, sauf à Paris. Et elle n'a jamais voulu le jouer à Paris. Mais mon cœur, lui, ne se vaut pas. Et celui qui voudrait me le prendre, tout ou tard, s'en repentira. Il y avait eu un film avec Mariano avant, Les Violettes Impériales. Non, il y a eu un film. C'est-à-dire que, vous savez, j'étais très ami avec Luis. Et pas une première où je ne me trouvais. J'allais voir Luis dans ses premières et lui venait voir nos premières. Et un jour, j'ai eu un procès. J'étais en procès avec la Cinévogue de Bruxelles. Je ne pouvais pas tourner. J'avais interdiction de tourner sans l'autorisation de cette société. Et à ce moment-là, il s'est avéré que Violettes Impériales a été programmée pour le tourner. Lui s'est venu me voir et très amicalement, je lui ai dit « je préfère que ce soit toi qu'un autre qui tourne le film ». Mais ce qui n'a rien à voir musicalement, parce que c'était du Lopez, oui. Tandis que l'opérette que j'ai créée, qui est le même scénario d'ailleurs, c'était de Vincent Scotto. Alors après, il y a eu la Veuve Joyeuse. Non, c'est-à-dire qu'après, il y a eu. Je suis parti au Châtelet, j'ai créé Annie du Far West, ah, là-bas. Oui. Je suis parti chez Maurice Lehmann, parce que Maurice Lehmann et Henri Varnac, ils s'adoraient. Mais enfin, vous savez, comme tout directeur de cette époque, c'était les directeurs qui jouaient avec leurs capitaux personnels. Donc, vous savez, ils s'adoraient, mais ils se détestaient à la fois. Parce que celui qui avait le plus de clients était ravi. Mais vous savez, mon cher Henri, mon cher Maurice, c'était très amusant d'être au milieu. Et je me suis trouvé à travailler pendant des années avec l'un, et surtout avec Varna et avec l'autre aussi. Alors, Lehmann avait été ravi de me prendre à Varna par la suite, et ensuite je suis revenu chez Varna, où là nous avons joué La Veuve Joyeuse. Mais alors encore une infidélité. Une infidélité également parce que due à une deuxième chose pour Paulette, oui, qui était mon fils alors, parce que la première s'était très mal passée, et la deuxième s'est très bien passée. Et Les Amants de Venise. Alors, Les Amants de Venise, c'est une autre opérette qu'a créée, qu'a composée plus exactement, Vincent Scotto, que nous avons créé alors tous les deux. Il vient de mourir, lui. Hein. Oui, c'était la fin d'ailleurs. Mais dites-moi, vous connaissez très bien vos classiques. C'est-à-dire que, en plus de cela, c'est-à-dire que Paulette Zévaco a continué à finir la musique avec notre ami Marc Cab. Et nous avons donc joué cette pièce près de 1000 fois. Puis il y a eu une reprise d'ailleurs de Ces Amants de Venise où Varna jouait le cardinal. Il y a eu une reprise, c'était d'ailleurs très amusant parce que c'était parti, vous savez, d'une boutade. Et Varna a dit, mais pourquoi pas ? Ah, mon Dieu, je crois qu'il a eu le plus grand trac de sa vie. Il avait au moins 80 ans. Ah oui, oui, il avait 80 ans quand il a joué Les Amants de Venise. Les Amours de Don Juan. Ah, il y a eu Les Amants de Don Juan, vous Michel savez... Michel Strogoff. Bien sûr, il y a eu Michel Strogoff, mais il y a eu des reprises que j'oublie. Il y a eu des Rosemary, mais le Rosemary qui a été formidable, parce qu'on a joué ça 18 mois. Mais vous savez, c'était formidable, parce qu'on jouait 400, on faisait plus exactement, 400 spectacles par an, en 365 jours. C'est-à-dire qu'il y avait une période, du 15 décembre au 15 janvier, eh bien, on jouait sans relâche. Il nous arrivait à faire 7 soirées et 5 matinées par semaine, 12 spectacles. Et vous savez, il n'y avait pas question, de, comme maintenant je vois de jeunes artistes qui se droguent, etc. Il n'était pas question, on avait une petite aspirine et puis c'était tout, puis il fallait tenir le coup. Parce que les doublures, il n'était pas question que les doublures jouent. Il ne fallait pas, d'après le directeur. Moi, il ne voulait pas. J'ai envie de vous demander... Qu'est-ce qui fait courir, ou plutôt qu'est-ce qui fait chanter les Merkès? Vous n'avez pas envie de souffler un peu? Si. Eh bien, c'est-à-dire que voilà, nous avons décidé il y a un an et demi, deux ans, avec Paulette, d'arrêter complètement, de ne plus jouer d'opérette. Mais c'est définitif. Nous avions remonté, grâce à mon beau-frère, dont je peux dire qui est M. Boireau, et Gérard Boireau, ce merveilleux directeur dont je parlais tout à l'heure, mais sans le nommer. Et nous avions, d'un commun accord, monté une coproduction sur Xardas, dont il avait fait une merveilleuse mise en scène. Nous sommes partis pour faire à peu près une vingtaine de villes. Mais ces 20 villes se sont transformées en 70 villes. Mais 70 villes multipliées par minimum 3, 4, 8, 10, suivant l'importance des villes. Nous avons fait près de 250 Xardas. Et nous avons décidé d'arrêter ces Xardas. Et alors à ce moment-là, j'ai dit, c'est fini. Eh bien, non, ce n'était pas fini, parce qu'on a changé notre fusil d'épaule, et M. Jean-Michel Boris est venu nous demander de faire l'Olympia. Et j'ai accepté. Vous savez, poussé peut-être par une petite pointe d'orgueil. Vous savez, les artistes, on est plus ou moins cabots. Un petit peu, je dis, oh non, non, qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? Et dans le fond, on était ravis que l'on nous demande pour aller à l'Olympia. Marcel Mercès, vous qui avez fait des séries de plus de 2000 représentations. 2000, hein, oui, par spectacle, c'est-à-dire, ouais. Mais oui. Nous en sommes à 12 000 représentations. Est-ce que c'est encore imaginable aujourd'hui? Non. Non. Je réponds de suite, non. Pour la bonne raison que les temps ont changé. Le budget, je pense, de spectacle. Je parle pour Paris, je ne parle pas pour la province. Mais sur Paris, et surtout dans les théâtres privés, je pense qu'en semaine, c'est très difficile de jouer maintenant le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dans des salles de 1800 places. Moi, je réponds non. Surtout avec une formation d'orchestre, comme nous avions des 25 ou 30 musiciens, avec un ballet avec 12 filles et 4 garçons, avec 24 choristes, ce n'est plus possible. Parce qu'avec les lois sociales, d'abord l'amortissement aidant et tout, ce n'est plus possible. Et qui plus est, c'est que je pense que dans l'été, tous les théâtres maintenant ferment. Il y a un changement de vie. La voiture, les vacances, le week-end à la campagne, il y a un changement de vie. Nous autres, nous savions pertinemment que le vendredi soir était complet, que le samedi soir était complet, dimanche matinée complet. Et le dimanche soir, on travaillait aux trois quarts de salle. Alors, mais c'est fini ce temps-là. C'est fini. Le mardi, on savait que c'était la soirée, nous avions énormément de commerçants. Alors nous connaissions, nous savions que le lundi, c'était le relâche, en principe. Mais moi, j'ai eu l'époque du Châtelet où il n'y avait pas de relâche du tout. On jouait tous les jours. Alors je pense que faire 12 000 représentations, ça sera difficile à battre comme record. Parce que c'est un record, non pas athlétique, mais de privation. Vous savez, c'est un métier, Paulette et moi, nous l'aimons énormément, nous avons eu toutes les joies dans ce métier, mais nous nous sommes privés de beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand je vois un jeune, vous savez, maintenant, faire un spectacle et le retrouver dans un café à côté jusqu'à 3-4 heures du matin, ça ne peut pas durer. C'est pas vrai, il ne peut pas être en forme le lendemain soir. Alors, nous autres, nous rentrions à 10:30, nous étions chez nous, 12:30, vous savez, c'était le petit dîner, la dînette, si je peux dire, et puis voilà. L'opérette C'est la fête par Jacques Rouchouz, réalisation Nathalie Trianda, première diffusion sur France Culture le 19 août 1986. Adieu.